écoutez chez Unicoutu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bienvenue dans cette heure musicale variée. Je m'appelle Sophie Laforêt. Je serai avec vous pour la prochaine heure et cela à ma plus grande joie. Et j'en profite tout d'abord pour souhaiter une excellente semaine de lecture et ou de relâche aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières et aux autres étudiants qui seraient en relâche également. Et ce soir, à l'émission, au menu, nous entendrons Angus and Julia Stone, Emily Proulx, The Go Team. The Go Team, qui est la formation qu'on entend actuellement derrière moi. Et pour conclure, entre autres, parmi cette liste, nous entendrons également Joséphine Baker, grande dame de la musique que j'ai découvert en fin de semaine. Et tout de suite, sans plus tarder, on va se lancer en musique dans notre belle francophonie. Tout d'abord avec la formation Indochine. Vous êtes à l'émission Jérémy Coutu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et là, les rayons d'argent et les poids. C'est la formation La Patère Rose avec la pièce Jessie Cook de leur album éponyme. Et La Patère Rose qui a actuellement 18 dates de spectacle sur leur MySpace. Malheureusement, aucune se situe à Trois-Rivières, mais vous pouvez quand même consulter leur profil MySpace, soit le www.myspace.com/lapaterrose en un mot sans accent, pour connaître les spectacles. Donc peut-être qu'il y a des spectacles près de votre région. durant la semaine, qui sait, durant la semaine de relâche et ou de lecture, c'est possible. Avant, on avait la formation montréalaise Mille Monarques avec la pièce, et là, je vais vous lire, c'est plutôt codé comme titre de pièce, C17H21NO4. Alors voilà, ça, je ne sais pas s'il y a une subtilité derrière ce nom que je ne saisis pas. Et donc, c'est de leur album éponyme qui est paru récemment. Et Mille Monarques, seront au festival Diapason à Laval le jeudi 5 novembre. Et au début de notre bloc franco, on avait la formation française Indochine avec la pièce Junior Song de leur dernier album La République des Météores, qui est en fait leur 11e album. Et donc, pour un peu vous donner une idée de la carrière d'Indochine, leur premier album, L'Aventurier, est paru en 1982, donc déjà 27 ans de carrière pour cette formation rock française. Et donc, sans plus tarder, on retourne en musique dans une toute autre ambiance, une ambiance plus folk, plus pop également. Tout d'abord avec Emily Klepper, qui était en spectacle jeudi dernier à Trois-Rivières. just sit at home, write another song about how I wanted to. All I wanted was for you to believe. All I wanted was for you to believe. All I wanted was for you to believe in me. All I wanted was there goes another day. Don't suppose I'll come out to play with you. I'll just sit at home, write another song about how I wanted to. There goes another day. Don't suppose I'll come out to play with you. I'll just sit at home, write another song about how I wanted to. There goes another day. Don't suppose c'était le duo Angus and Julia Stone, duo de frères et sœurs de Sydney en Australie, avec la pièce Another Day de leur premier album A Book Like This, qui est paru en 2007. Et on annonce un deuxième album prévu pour 2010, toujours sans nom. Alors j'ai bien hâte d'entendre ce deuxième album. Et au début de ce court bloc, nous avions l'auteur-compositrice-interprète québéco-texane, et oui, Emily Klepper, avec la pièce Time de son premier album Things May Come. Et donc, c'est une auteure-compositrice-interprète, comme je le disais, qui fait dans le folk, country, un peu pop. Et c'est la fille du Texan qui est lui aussi compositeur-interprète. Donc, Russell Klepper. Donc, elle a suivi les traces de son père. Et elle était à la salle Louis-Philippe Poisson jeudi dernier à Trois-Rivières. Et j'ai eu la chance d'aller voir son spectacle. Et c'était vraiment un beau moment puisque nous étions que 30 spectateurs. Donc, un concert très, très intime en formule cabaret dans une très belle salle que je n'avais pas eu la chance d'aller voir encore puisque je suis trifluvienne d'adoption. Et donc, si vous avez apprécié la pièce qu'on a entendue, je vous invite à aller entendre d'autres extraits sur son site internet, soit le www.emilyklepper, donc Emily sans accent. Klepper s'écrit Klepper.com. Donc, vous pourrez entendre d'autres extraits. Peut-être, qui sait, ça vous donnera envie d'acheter son album. Donc, un très bon spectacle d'Emily Klepper pour ceux qui ont aimé. Je vous invite à regarder aussi son site web pour voir quand elle sera de passage à nouveau à Trois-Rivières ou ailleurs. Donc, on va poursuivre dans la même ambiance, soit le folk, mais cette fois-ci dans une ambiance plus franco. Et on va entendre Emily Prou, qui fait un peu dans le même genre qu'Emily Klepper, justement. Et ensuite, on va entendre une pièce de Dumas, de son album Nord. Vous êtes à Chérie Mécoutu, en compagnie de Sophie Laforêt, sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Quelque part au fond. On vient d'entendre une courte pièce de Dumas, la pièce « On verra le Sud » sur son album « Nord ». Et Dumas qui propose cette année, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, une série de spectacles durant la période des fêtes, soit 8 dates qui sont toutes au national, donc du 27 au 31 décembre et du 21 au 23 janvier. Et puis pour ceux qui aiment Dumas, je vous dirais vraiment de ne pas hésiter à aller le voir, il donne un très bon spectacle. Et au national aussi, qui est une très belle salle de spectacle, assez intime, c'est pas trop grand. Puis habituellement, pour une quinzaine de dollars, on s'en tire avec un billet. Donc, c'est admission générale, vraiment. Si vous aimez Dumas, n'hésitez pas à aller le voir. Et vous pouvez consulter le myspace.com/Dumas pour plus de détails. Avant, on avait Émilie Proulx avec la pièce « La peur me montre où aller » de son album « Dans une ville endormie » qui était en fait son premier mini-album. Et elle aussi, de son côté, 7 dates de spectacle sur son site internet, le www.emilieproulx.com. Et vous pouvez même télécharger 2 pièces gratuitement sur son site internet également. De notre côté, on se quitte le temps d'une courte pause et au retour, on revient en musique avec un bloc anglophone. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie mes coutus en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou dans ta tête! C'est fou 89.1, la scène émergente. Karen O and the Kids avec la pièce All Is Love de l'album, ou plutôt de la trame sonore du film Where the Wild Things Are. Et je suis allée voir ce film vendredi dernier, donc à Montréal, en version originale anglaise. J'y tenais. Et c'est un excellent film pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu parler de ce film-là. La version française s'appelle Max et les Maxi Monstres. Donc, la version anglaise, c'était beau ça, anglaise, Where the Wild Things Are. Et donc, c'est l'histoire d'un garçon qui vit certaines tristesses donc sur le plan familial et qui décide de faire une fugue et qui va atterrir sur une île enchantée, on pourrait dire, où vivent sept créatures plutôt étranges, donc sept monstres qu'il va apprendre à connaître. Puis donc, j'en dirai pas plus, là, mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas un film pour enfants nécessairement. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est un film d'animation et que c'est destiné aux enfants. C'est quand même un film général, mais il m'est quand même arrivé dans le film de me dire que c'était pas justement pas un film pour enfants, puis que même peut-être déconseillé aux jeunes enfants, là, pas déconseillé aux jeunes enfants. Oui, peut-être aux enfants plus fragiles. Donc, déconseiller aux jeunes enfants plus fragiles. Voilà. Donc, c'est une suggestion cinéma. Donc, un film de Spike Jones et l'acteur principal de ce film-là, Max Rickards, qui joue le rôle de Max, c'est un garçon de 12 ans et franchement, il est vraiment excellent. Alors, voilà pour ceux qui ont envie d'aller voir un très bon film au cinéma. Et sinon, dans ce bloc plutôt festif, on avait avant ça la formation de la Nouvelle-Zélande de Robbie Sons avec la pièce Adventure Tour de leur deuxième album Sea Lion paru en 2008. Et c'est un groupe qui fait dans l'indie rock à saveur plutôt exotique, un peu comme ce qu'on a entendu. Et avant, dans ce bloc toujours aussi festif, on avait la formation de Go Team, qui est une formation originaire de Brighton en Angleterre, avec la pièce Udall Formation de leur premier album Thunder Lightning Strike paru en 2004. Et cette formation-là fait dans un rock assez particulier parce qu'il y a des tendances hip-hop, old school, et de la musique qui fait penser un peu à de la musique de cheerleading, donc c'est ou de meneuse de claque, si vous préférez, en français. Donc, c'est assez particulier le son de cette formation-là. Et c'est d'ailleurs ce groupe-là que j'ai choisi pour la pièce d'ouverture de l'émission de Chéri Mikoutsu. Donc, c'est de Go Team qui fait l'ouverture de votre émission préférée. Non, je dis n'importe quoi. Donc, voilà. Et c'est ce qui conclut ce bloc anglophone. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter mon blog, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir à la fois la liste des pièces qui ont passé à l'émission, pour avoir les balados-diffusions d'émissions antérieures. Et à l'occasion, vous allez voir aussi, là, j'écris quelques critiques de disques, de spectacles, d'albums et autres anecdotes musicales. Alors voilà, pour ceux qui sont intéressés, allez consulter le blog. Sinon, on va encore retourner pour un autre bloc musical, cette fois-ci dans un son plus trip-hop, donc trip-hop anglophone. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chéri Mikoutsu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Morning rose, forbidden fruit, hidden eyes, courtesies that I can spend. I On vient d'entendre la formation Goldfrapp. J'essaie de vous laisser dans l'ambiance un peu comme ça, vaporeuse. Donc, la formation Goldfrapp, qui est une formation britannique d'électro trip-hop qui est basée à Londres, en Angleterre. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Human, du premier album Felt Mountain, qui est paru en septembre 2000. Et la formation compte actuellement 4 albums à leur actif. Mais cet album-là était vraiment un album plutôt exceptionnel, au sens où c'était leur premier album et ça a été très bien reçu des critiques et un excellent album. Si vous avez aimé la pièce qu'on a entendue, je vous incite fortement à découvrir le reste de l'album. Donc, j'imagine que leur site web doit être le goldfrapp.com. Vous pourrez entendre d'autres extraits sur leur MySpace aussi également, sans problème. Et avant ça, on avait une formation, encore une fois, originaire d'Angleterre, au son expérimental. Donc, la formation s'appelle Portishead et la pièce qu'on a entendue s'appelle Sour Times, de leur premier album Dummy, paru en 1994. Et en fait, ce qui est particulier avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont vraiment pris une grande pause dans leur carrière malgré un succès qui était lancé avec ce premier album-là. Donc, Dummy est paru en 1994, comme je le disais. Leur deuxième album est paru en 1997. Et là, il y a eu une pause de 11 ans avant qu'ils nous reviennent en 2008 avec un troisième album du nom de Third. Et selon moi, leur premier album, donc ceux qui ont été faits dans les années 90, plus particulièrement Dummy, sont vraiment les albums que j'ai préférés de mon côté. Le dernier album, Third, m'a pas autant accroché, était un peu moins accessible. Puis bon, je pense que j'étais nostalgique des premiers albums de Portishead. Donc pour ceux qui ont aimé, encore une fois, une formation à découvrir absolument. Et donc, sur cette note trip-hop électro, l'émission va se terminer très bientôt. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et présente pour cette heure musicale variée à Chérie mes coutus. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine, le 2 novembre, encore une fois avec des nouveautés, très, très probablement. Et sinon, si ce n'est pas des nouveautés, du moins, plusieurs suggestions musicales variées comme à l'habitude. Et donc, c'est mon collègue Frédéric Durand qui va suivre dans quelques instants de 19h à 20h avec l'émission Le Voyage insolite. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, donc il sera également tout de suite après Chérie mes coutus, puisque maintenant l'émission est diffusée en rediffusion les vendredis de 10h à 11h. Donc, je m'habitue à le mentionner comme ça en onde. Et avant de conclure, on va se laisser avec une dernière pièce, soit une pièce d'une grande dame de la chanson que j'ai découverte en fin de semaine, soit Josephine Baker, avec une pièce plutôt frivole, je pourrais dire ça comme ça. Donc, j'ai écouté le film français « Odette tout le monde », qui est, bon, pas nécessairement un très grand film et surtout pas un chef-d'œuvre. Donc, c'est un film plutôt léger qui nous fait sourire un peu comme Amélie Poulain l'avait fait, mais vraiment, là, sans vouloir rien enlever à Amélie Poulain, au sens où, selon moi, « Odette tout le monde » n'est pas à la hauteur d'Amélie Poulain. Mais c'est quand même un bon film léger, donc à écouter sans trop d'attente. Et c'est un film musical, d'une certaine façon, puisque Le personnage principal du film, Odette, est une fan de Josephine Baker. Donc, tout au long du film, on entend différentes pièces et j'ai bien aimé. Donc, la pièce qu'on va entendre s'appelle Chiquita Madame. Et comme je le disais tantôt, c'est une pièce plutôt légère, encore une fois. Donc, je vous laisse sans plus tarder avec cette découverte Josephine Baker, qui fut, je vais le mentionner, une des premières stars noires, en fait, des années 30. Donc, je vous invite également à aller voir peut-être ses biographies sur Internet pour en apprendre davantage. C'est fort intéressant de lire sur Josephine Baker. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Chiquita, madame de la Martinique, dis-moi, je vous en prie, quelle est donc cette musique? Chiquita, madame de la Martinique, où allez-vous ainsi dans ce costume typique? Je m'en vais danser, oui, je m'en vais au bal, car c'est aujourd'hui jour de grand carnaval. Trompette et tambour sonnent le branle-bas, et tout le pays va danser la samba. Chiquita, madame de la Martinique, si c'est le carnaval, l'occasion est magnifique. Chiquita, madame, je vous abandonne, je vous prends par le bras et je m'en vais avec. Chiquita, madame,